Mosaïque. La radio Isanganiro traite les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Benevolentia. Mosaïque. Bonjour ou bonsoir, vous qui suivez l'émission Mosaïque de la radio-télévision Isanganiro. Cette émission s'articule aujourd'hui sur le pourquoi des arrestations et libérations des Congolais au Burundi. Comprendre les causes et conséquences. Récemment, une centaine de Congolais originaires de Bukavu ont été arrêtés en province Cibitoke au Burundi, alors qu'ils tentaient de traverser clandestinement la rivière Rusizi vers Rugombo. Ces jeunes ont été interpellés pour des raisons d'enquête, selon la police burundaise. Bien qu'ils aient été libérés, 39 autres Congolais demeurent en détention. Ce phénomène d'immigration clandestine soulève des questions sur les motivations des personnes qui fuient la République démocratique du Congo, notamment à raison de la situation sécuritaire précaire à l'est du pays. Peut-on mieux comprendre pourquoi ces Congolais traversent la frontière et la rivière Rusizi ? Sont-ils des immigrés économiques ou plutôt des réfugiés qui fuient le mouvement du M23 présent à Bukavu et ses environs ? Pour mieux comprendre comment gérer un afflux massif des personnes qui vont au-delà des frontières de leur pays, nous avons trois invités, à savoir Gérard Lugeminwaza, vice-président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour, bonjour beaucoup. Et merci pour m'avoir invité à participer à ce débat. Nous sommes avec Dr. Major Pamphile Mabansi, expert en droit de réfugiés. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Et bonjour et merci pour l'invitation. Nous avons aussi l'amabilité d'accueillir dans ce studio CCK Dominique, Burundais, qui a vécu en RDC en tant que réfugié suite à la guerre civile. Bonjour et je vous remercie beaucoup de cette invitation. À la cabine du son, je suis avec Innocent Bibonimana et Séraphine Akidimana. Medar Nyonguru est à la réalisation. Evariste Ndikubananga, je suis à l'animation. Rebonjour et bienvenue. Mosaïque. La radio Isanganiro traite les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Benevolentia. Mosaïque. Ouvrons ce débat par cette première question que je dirige à l'endroit du commissaire Gérard Rugeminwaza, vice-président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH. Peut-on aujourd'hui mieux comprendre pourquoi ces Congolais traversent massivement la frontière et la rivière Rusizi ? Sont-ils des immigrés économiques ou plutôt des réfugiés qui fuient le mouvement du M23 présent dans cette zone ? Merci, monsieur Evariste, pour la question. Elle est très délicate. Vous me demandez d'expliquer pourquoi les gens fuient leur maison, fuient leur pays de nationalité pour atteindre dans un état de nationalité étrangère. Il y a une raison. La raison, c'est la sécurité. Nous savons tous que derrière, dans les localités de Bukavu, Goma, Uvira, Uvira n'est pas très touché, mais dans ces deux régions-là, ils sont occupés par le groupe rebelle M23 et ses acolytes. Et je pense croire que, ou avoir entendu que les jeunes sont recrutés de force. Alors c'est en raison de ce mouvement qui veut s'imposer de force, et en raison de l'endoctrinement politique, que les jeunes qui n'adhèrent pas librement veulent tentent de quitter ces localités-là dominées par le M23 et chercher asile ou chercher établissement ailleurs, que ce soit dans une région de leur pays de nationalité ou dans un état, dans l'état du Burundi ou un autre, où leur quiétude, leur calme serait assuré. C'est en vertu d'un besoin de sécurité qu'ils se déplacent. Et ce n'est pas par joie qui traversent la rivière Rusizi pour arriver à Chibitoke. C'est parce qu'ils estiment que leur sécurité, leur vie et leur famille sont menacées en termes d'intégrité physique et d'atteinte aux biens et aux membres de leur famille. Mmh. Monsieur le commissaire, très récemment, depuis le 13 juin, il y a eu une centaine de Congolais qui auraient traversé clandestinement la rivière Rusizi et se sont vus arrêtés puis détenus dans les cachots de la police Chibitoke pendant 2 semaines avant leur extradition. Comment interpréter cela? Que il y ait une centaine de Congolais, de jeunes Congolais qui auraient traversé la frontière, la rivière Rusizi pour atteindre sur le territoire burundais, je trouve que c'est un fait naturellement humain. Mm-hmm. Et qu'ils soient alors arrêtés, ça c'est une autre question. Parce que le pays dispose des instruments, dispose des institutions de sauvegarde de la paix et de la sécurité. Et parmi ces institutions, ces organes, il y a lieu de citer la police nationale, et notamment la police chargée de l'immigration. Et nous pensons que l'administration, en collaboration avec les forces de police, les unités de police, ont cherché justement à savoir, à s'enquérir sur le pourquoi de ces déplacements massifs. Et c'est en vertu du travail de routine, de contrôle, qu'ils ont été mis au cachot. Je pense que c'est pour un délai limité. Juste pour s'enquérir du pourquoi, voir si ce ne sont pas des éléments du M23 qui se sont infiltrés dans les éléments honnêtes, de bonne foi, qui fuient, qui traversent les frontières. Et auquel cas, si on trouve qu'il y a des éléments militarisés, qu'ils soient arrêtés et conduits devant l'autorité compétente. Et dans l'autre cas, si on trouve que ce sont des demandeurs d'asile de bonne foi, qui ont besoin justement de la protection internationale, qu'on continue la procédure d'identification qui va aboutir à l'acquisition du statut de réfugié. Voilà donc le travail qui a été fait est un travail administratif, un travail policier de contrôle des nouveaux arrivants. Nous sommes avec un expert en droit, docteur Major Mabansi. Vous venez d'entendre qu'en date du 13, il y a une centaine de jeunes Congolais qui ont fui à partir de Bukavu. Ils ont traversé la Rusizi, mais arrivés à Rugombo, ils ont été interceptés par la police. Et on les a coffrés pendant 2 semaines avant de les extrader vers Uvira. Les informations que nous avons sur place indiquent que ces jeunes fuyaient justement à Bukavu en passant par le Burundi pour se diriger à Uvira. Est-ce que cet acte qui a été posé à l'endroit de ces Congolais, n'est-ce pas une violation du droit de quelqu'un qui est en train de fuir? Comment est-ce que vous interprétez cela? Merci pour la question. Et d'abord, je signalerai que le droit des réfugiés est un droit qui est un peu bizarre. Et normalement, pour entrer sur le territoire d'un État tiers, il faut avoir obtenu l'autorisation de cet État. Donc l'autorisation d'entrée relève de la souveraineté de chaque État. Et pour ceux qui fuient, comme ils n'ont pas suffisamment de temps pour préparer les bagages, pour chercher les visas ou avoir tous les documents de voyage, ils entrent sans aucun document. Et le droit international des réfugiés a alors protégé ces personnes en disant que si elles entrent sur le territoire d'un État tiers irrégulièrement, donc sans avoir demandé le visa, il faut alors que ces personnes déposent immédiatement la demande d'asile. C'est l'article 31 de la Convention de Genève pour les aides des réfugiés. Sinon, on ne les emprisonne pas, on n'établit pas le dossier pénal chargé d'avoir violé la frontière d'un État tiers. Mais il faut que ces personnes déposent leur demande d'asile. Et dans notre loi, la loi burundaise sur l'immigration, c'est l'article 62 qui stipule que on ne peut pas être emprisonné ou sanctionné pour avoir entré illégalement sur le territoire du Burundi. Mais là aussi, il faut déposer la demande et demander la protection. Sinon, c'est comme ça. C'est plus ou moins étonnant. Donc, tu entres, tu n'as aucun document de voyage, tu n'as aucune autorisation d'entrée, mais le droit international protège ces personnes Et l'autre façon de les protéger, c'est le principe de non-refoulement, un principe qu'on trouve dans la loi burundaise sur l'immigration, à l'article 40, qu'on trouve aussi dans la convention de Genève. D'ailleurs, même dans d'autres instruments internationaux, on trouve ce principe de non-refoulement, même dans la convention de l'OIA, article 2, dans la charte africaine, article 5, et dans la convention contre la torture, article 3. Donc, beaucoup de textes internationaux protègent les personnes contre le refoulement. Donc, tu entres et de façon irrégulière, mais on ne peut pas te refouler dans ton pays d'origine du moment qu'il y a la crainte d'être persécuté, d'être soumis à la torture ou à d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le pays d'origine. Pour le cas d'espèce alors, pour les personnes qui arrivent ici au Burundi en demandant la protection en tant que réfugiés, les autorités burundaises analysent d'abord si ces personnes remplissent les conditions pour être reconnues comme réfugiés. Prenons que lors de l'analyse, on voit que quand même il y a la crainte qui est fondée, donc la crainte qui est liée au motif énuméré de la Convention de Genève, ou bien même qu'il y a la crainte qu'on trouve dans la Convention de l'OIA, régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés. Là, si on voit que la personne remplit ces conditions, c'est OK, c'est mieux, cette personne peut être reconnue comme réfugiée. Ce sont les conditions d'inclusion. Mais à côté des conditions d'inclusion, la Convention de Genève a prévu que il y a aussi des conditions d'exclusion. On dit que le droit de réfugié, le droit d'asile, n'est pas là pour protéger les criminels. Si on arrive sur le territoire d'un tiers, alors qu'on a commis les crimes contre la paix, les crimes de guerre, les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, ou bien si l'on a commis les crimes graves de droit commun en dehors du pays d'accueil, donc dans ton pays d'origine, dans un autre pays, ou bien si on a commis des agissements contraires au but au principe des Nations Unies, là, pour ces personnes, elles sont automatiquement exclues du statut des réfugiés parce que ce statut, cette convention n'est pas là pour protéger les criminels, c'est pour protéger les honnêtes citoyens, les gens qui fuient la persécution, qui n'ont pas fabriqué. Oui, oui. Donc, le cas d'espèce, c'est Congolais, ces jeunes Congolais, ils ont fui. Est-ce qu'en fouillant, on passe dans la route ou bien on entre par... Toutefois, on entre en vrac et arrêter une centaine et soupçonner qu'il y a des malfaiteurs dedans. Est-ce que la police devrait procéder ainsi? D'abord, les emprisonner, puis les relâcher. Bon, en fait, l'article 32 et de la Convention de Genève stipule que s'il y a des raisons de sécurité nationale, de la République, on peut refouler les personnes. On peut expulser les personnes qui viennent pour chercher asile ou pour chercher la protection. S'il y a des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public. Prenons que les autorités d'un pays d'accueil voient ou soupçonnent que les personnes qui entrent viennent pour perturber la sécurité nationale ou l'ordre public. Ces personnes peuvent être arrêtées. On peut demander à ces personnes le motif de leur entrée ou même les expulser ou les refouler vers le pays d'origine. Ça arrive. Et l'endemain, pour la personne qui a été reconnue comme réfugiée, qui se lance à faire des actes qui perturbent la sécurité nationale ou l'ordre public dans le pays d'accueil, dans le pays qui a accordé asile, même le réfugié peut être expulsé chez lui s'il commence à perturber l'ordre public. Mais c'est ainsi que... On ne le met pas au cachot. Mais il est mis au cachot même. Prenons que la personne est perturbée l'ordre public. Est-ce qu'il ne peut rien s'inquiéter? La personne est mise au cachot. Même si un réfugié commence ou se met à perturber l'ordre public, c'est l'article 59 de notre loi qui stipule que les réfugiés sont obligés de se conformer aux lois et règlements. Il en demande que l'article 2 de la Convention de Genève. On est obligé de respecter les lois et règlements du pays d'accueil. On est obligé de rester en bon ordre. Sinon, si on se met à perturber la sécurité nationale ou même l'ordre public, on est arrêté. Des fois, on est expulsé. Je vais dire. Sûrement. Oui, merci beaucoup. Le commissaire, le vice-président de la CNDH a un ajout. Est-ce qu'un réfugié, on peut le coffrer, on peut le mettre au cachot pour l'identifier? Oui, je vais vous lire la disposition. C'est l'article 107 de la loi numéro 1/25 du 5 novembre 2021. Elle est récente. Portant réglementation des migrations au Burundi. Cette disposition, l'article 107 dit, en cas d'arrivée massive sur le territoire burundais de personnes qui fuient en danger, le ministre ayant l'administration du territoire dans ses attributions désigne par ordonnance une commission ad hoc dont les principales missions sont les suivantes. Je vais les citer. Primo, prendre toutes les dispositions, toutes les mesures qui s'imposent selon les circonstances pour assurer notamment la sécurité, l'hébergement, l'alimentation et les soins médicaux nécessaires aux personnes arrivées massivement. Deux, recueillir toutes les informations susceptibles d'éclairer les autorités sur les raisons de cette arrivée massive. Trois, identifier toutes les personnes arrivées massivement sur le territoire burundais dans les circonstances décrites par la présente loi. Identifier les besoins de toute nature et les catégoriser selon leurs urgences. Cinq, coordonner et organiser l'assistance humanitaire. Six, s'assurer particulièrement du caractère civil des camps d'hébergement. Sept, séparer les ex-combattants des civils, le cas échéant. Donc la commission ad hoc travaille sous la supervision de l'ONUPRA. Donc vous voyez que dans ces différentes missions qui sont réservées à la commission ad hoc créée parce qu'il y a arrivée massive, figure l'identification et de séparer les civils des personnes armées. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Nous sommes dans ce débat avec un Burundais qui a fui dans les années passées, qui a fui la guerre civile au Burundi, trouvé refuge en RDC. Et comment était l'accueil des Burundais de l'autre côté de la rivière Rusizi? Oui, merci beaucoup. C'est-à-dire tout au départ, moi, j'ai pris le large en suivant mes parents. J'étais enfant du primaire. Là, c'était en 1972. Et je vous informais que le jour où j'ai eu l'information que nous allons partir, j'étais content. Pourquoi ? Parce que je voulais savoir, avoir. C'est-à-dire quitter là où je suis toutes les années, mais aller peut-être en tourisme. Quand je suis arrivé de l'autre côté, c'est par là que j'ai commencé à sentir que c'est un réfugié. On nous a très bien accueillis. Et je vous informe que les Congolais d'ici, d'Ouvira, ils sont comme des Burundais. Seulement la différence, c'est le langage. C'est-à-dire, ils parlent le Kifulero, ils parlent le Kivira, et tu parles le Burundi. Mais si vous essayez de suivre très bien, il y a lieu à se comprendre. C'est-à-dire, ils nous prenaient deux fois comme si nous étions des frères. Nous ne sommes pas allés dans des camps. Nous sommes restés dans des cités. Dans des villages. Dans des villages. On vivait comme les autres. Mais quelquefois, on recevait même l'aide de la CR parce que nous étions réfugiés. On nous a très bien accueillis et on nous a donné des cartes de réfugiés. Dans ce pays... Mais tout en n'étant pas dans un camp de réfugiés. Oui. Il y a un moment donné, il y a eu un recensement de Burundais qui sont venus. Nous sommes présentés là. On nous a donné des cartes rouges, c'est-à-dire des cartes pour réfugiés. Dans ce pays, il y avait seulement deux cartes. Si tu n'es pas réfugié, tu es national. Il n'y avait pas de cartes pour étrangers. Si vous essayez de suivre, c'est par là où même a commencé le malaise dans ce pays. Il y a même des Burundais qui sont déguisés en Congolais. Et ils ont eu des cartes pour citoyens. Alors, nous avons été très bien accueillis. On vivait comme tout le monde. On est allé même à l'école comme tout le monde. C'est pour vous dire que quand nous étions à Ouvira, c'est mal la différence, c'est parce que nous n'étions pas chez nous. Un réfugié, c'est quelqu'un qui a des difficultés de rester chez lui, politiquement, économiquement, et je ne sais pas, mais qui est contraint de vivre à l'extérieur. Et vous voyez, vous allez voir maintenant, les droits, ces droits sont en quelque sorte bafoués ou bâclés. Puisque si on sait de suivre ces organismes, ces ACR, qui disent qu'ils sont en aide, le droit d'un réfugié est bien bâclé. Pourquoi ? Si vous essayez de suivre et le droit, il y a le minimum que vous devez recevoir. Mais qu'est-ce qu'on nous donnait comme peut-être repas, disons ça. Très, très insuffisant. Qui vont nous aider à survivre, à ne pas mourir ? Et pas vivre. En tout cas. Mais socialement, avec les Congolais, on vivait très bien. Mais économiquement, là, il y avait eu problème. Il n'y avait pas de discrimination. Il n'y avait pas de discrimination. Mais deux fois, certaines personnes, on les arrêtait, soupçonnées d'être dans des mouvements qui veulent venir perturber le Burundi. Puisque les dirigeants de l'époque de ce pays, ils travaillaient, ne restaient pas seulement dans le bureau, ils menaient des enquêtes. Alors, il y a des gens qui ont été arrêtés. C'est-à-dire qu'ils avaient des agents de renseignement de l'autre côté. Oui. Pour arrêter ces gens. Il y a des gens qui ont été arrêtés et emprisonnés. Vraiment, parce qu'on les soupçonnait, on les croyait. Mais il y en a d'autres, même si on les soupçonnait, qui étaient vraiment dans des mouvements de vouloir et voir comment rentrer chez eux. Avec des armes. Bien entendu. Oui, et merci beaucoup Dominique Seseka. Tout à l'heure, on nous parlait des lois et conventions qui protègent les droits des réfugiés. On a entendu que quelquefois, quand il y a identification, il y a des extraditions, il y a aussi des emprisonnements. Ici, au Burundi, nous avons beaucoup de réfugiés. Et beaucoup parmi eux sont des Congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, comment est la situation des réfugiés ici au Burundi? La question, je la dirige au commissaire Gérard Guiminoise, vice-président de la CNDH. Merci de m'accorder encore une fois la parole. Oui. Je dois préciser d'emblée qu'à fin mai ou mi-juin, on avait à Gasogo, quand on a marqué de Gasogo, il y avait 7094 réfugiés. Au camp de Moussassa, Chilembangozi, il y avait 8532 réfugiés qui sont au camp. À Bgadiriza Boutezi, il y avait 9262 réfugiés. À Nyanganda Boutezi, donc à Ruigi, il y avait 11823 réfugiés. Et à Changuzo, il y avait, à Kavumu Changuzo, il y avait 18732 réfugiés, soit 55443 réfugiés au total qui sont dans les camps à l'intérieur du pays, loin des frontières de leur pays de nationalité. Donc, ce qui explique que ce sont des dossiers, des demandeurs d'asile qui sont déjà traités et clôturés par l'octroi du statut de réfugié. Et c'est-à-dire qu'en aval, associé, plutôt en amont, il y a des dossiers qui sont en cours. Il y a d'autres dossiers qui sont en train d'être traités par les services techniques de l'ONUPRA et d'autres qui sont encore dans les centres de transit qui ne sont pas, dont les dossiers ne sont pas encore ouverts. Donc, c'est pour revenir à l'idée à la question qui était antérieurement posée concernant la centaine de personnes, de jeunes Congolais qui auraient traversé la rivière et qui n'auraient pas, il ne faut pas mettre au conditionnel. C'est un fait réel qu'on traversé la frontière pour arriver à Chibitoke et dont leur sécurité a été perturbée. Et je pense que la CNDH est d'avis que il s'agit d'un travail régalien, un travail de routine de tous les jours pour l'administration et la police de vérifier les identités de nos visiteurs. Puisque dans ces visiteurs, il peut y avoir des mauvais éléments. Dans quel cas il faut les exfiltrer. Nous avons donc au niveau de la CNDH la mission principale de protection, de promotion, mais aussi nous conseillons, nous donnons des avis aux autorités administratives, au gouvernement. Pour ce cas, la CNDH ne s'est pas encore rendue sur les lieux. Nous projetons nous y rendre la semaine prochaine, la semaine 14 et suivant, pour vérifier les faits dénoncés et pouvoir tirer conclusion et donner nos recommandations éventuelles au gouvernement. Sinon, nous pensons bien sûr travailler en collaboration avec le ministère de tutelle, le ministère ayant l'intérieur dans ses attributions, le ministère ayant la protection des droits dans ses attributions, c'est-à-dire le ministère de la solidarité nationale, mais aussi avec nos partenaires onusiens, notamment l'organe technique qui est le HCR, qui, je dois encore une fois le souligner, assure le HCR donne le statut qui est de réfugié, qui est une protection subsidiaire, qui est minime par rapport à la protection nationale d'un État vis-à-vis de ses propres citoyens. Donc, c'est une protection subsidiaire qui est limitée. et qui prend fin à un certain moment lorsque le réfugié rentre chez lui, lorsque les causes qui ont fait qu'il fuit son pays ont cessé, il n'est plus persécuté, il n'y a plus de raison, il peut retourner chez lui. Mmh. Mais pour le moment, la situation étant que ces jeunes-là ont été appréhendés, je pense que cette arrestation ou cette rétention est d'une courte durée et elle est faite pour des besoins d'identification et de vérification. Oui, les informations que nous recueillons sur place, c'est que la police aurait dit que ces jeunes auraient été soupçonnés d'être du mouvement M23. Pamphile Mavance, quels sont les droits et devoirs des réfugiés après avoir bénéficié du statut de réfugié? Cette question, elle est toujours d'actualité puisque les gens ne parviennent pas à comprendre, surtout aujourd'hui quand on voit les Congolais qui réclament toujours les droits. Tout à l'heure, c'est ce que Dominique disait. Il disait que la ration qui est donnée aux réfugiés, il déplorait que la ration est insuffisante, qu'elle est déplorable. Et là, il y a risque de confondre les droits et devoirs des réfugiés. Docteur Pamphile Mavance, pouvez-vous expliquer qui sont ces droits, qui sont ces devoirs? Oui, merci. Oui. Et notre loi, donc la loi burundaise sur les migrations, la loi qui intègre en son sein les droits des réfugiés, prévoit une série de droits à réserver aux réfugiés. Il y a d'abord le droit à l'éducation. Mm-hmm. Les enfants réfugiés ont droit à l'éducation, à la scolarité. C'est l'article 68 de notre loi. Mm-hmm. Il y a aussi le droit au travail. Et on trouve ce droit à l'article 67 de notre loi, la loi sur les migrations. Mm-hmm. Il y a les droits de quoi de santé personnelle. Donc, si un réfugié vient après avoir contracté un mariage dans son pays d'origine, mm-hmm. ce mariage reste valide. Dis-moi que ce réfugié présente les documents attestant le mariage contracté antérieurement. Mm-hmm. Il y a aussi le droit de santé. Et les réfugiés ont droit à être soignés. Et ils sont bondis dans les camps. Il y a l'organisation internationale, JVC, qui suit au quotidien les soins pour les réfugiés. C'est l'article 68. Mm-hmm. Le droit d'avoir les pièces d'identité, c'est article 18, alinéa 1er et article 69. Donc, une fois reconnu comme réfugié, on a droit à une carte pour le réfugié. Il y a aussi le droit au titre de voyage. Les réfugiés voyagent. Et certains réfugiés, par exemple, peuvent quitter le Burundi pour aller se soigner à l'étranger ou pour faire des affaires à l'étranger. Ces réfugiés ont bénéficié des titres de voyage qui sont à octroyer sur aval d'ACL, c'est qui paye les frais relatifs à ces titres. Les réfugiés ont la liberté à la circulation, liberté de circulation, mm-hmm. article 70. Les réfugiés ont aussi le droit de transférer leur avoir. Et les mêmes droits ont été privés par la Convention de Genève pour la sortie des réfugiés, sinon par rapport aux obligations, comme la Convention de Genève le souligne très bien à l'article 2, les réfugiés sont obligés de se conformer aux lois et règlements du pays d'accueil. Même notre loi, la loi burundaise des migrations, a prévu que tout réfugié, c'est l'article 59 de notre loi, tout réfugié a l'obligation de se conformer aux lois et règlements du Burundi. Donc ce sont les devoirs ou les obligations des réfugiés. Oui, sinon par rapport aux droits, il y a une série de droits qui sont octroyés aux réfugiés par les textes tant nationaux qu'internationaux. Mm-hmm. À commencer par la Convention de Genève ainsi que la Convention de l'OIU. Mm-hmm. Oui. Tout à l'heure, c'est ce qu'a Dominique évoqué, le fait que le HCR ne donne pas une ration suffisante. N'est-ce pas une violation du droit de réfugié? Bon, en fait, le vice-président de la CNDH l'a très bien souligné, les réfugiés arrivent souvent dans un pays comme ça, et le pays est obligé de les accueillir et de garantir certains de leurs droits sous l'aide des organisations internationales, en premier l'OHCR. Et des fois, l'aide obtenue par cette organisation internationale, l'OHCR, ne suffit pas pour couvrir les besoins des réfugiés par pied au monde entier. Mm-hmm. Et dans ce cas, ce sont les réfugiés qui en pâtissent. Les réfugiés recevront trop peu d'aliments, et trop peu, donc ils ne joueront pas leurs droits en totalité. Et dans ce cas, il revient aux États de voir quoi faire. Et des fois, les États, en collaboration avec les organisations internationales de l'OHCR, mm-hmm. peuvent aider les réfugiés à subvenir à leurs besoins seuls, à leur octroyant certaines activités ou en leur aidant dans le démarrage de certaines activités générales de revenus envie de se venir à leurs besoins ou à certains des besoins, du moins, besoin d'alimentation ou besoin de santé, parce que l'alimentation reçue, des fois, l'alimentation ne suffit pas. Et pour trouver l'argent pour satisfaire d'autres besoins, il faut vendre même cette alimentation ou la ration reçue. Mm-hmm. Et dans ce cas, les réfugiés se retrouvent avec peu de rations et se retrouvent avec peu de possibilités de satisfaire d'autres besoins. C'est pour cela que, si possibilité il y a, les États, en collaboration avec les organisations internationales, aident ces réfugiés à s'autonomiser ou à faire des activités qui peuvent les aider à jouir à beaucoup de besoins qu'ils ont. Mmh. Oui, laissons-nous entendre Dominique qui a fui les années 72. L'autre fois qu'ils étaient en RDC, est-ce que les Burundais, ils avaient droit aux soins médicaux, ils avaient droit à l'éducation Ici, on entend que les Congolais disent qu'ils n'ont pas de soins médicaux suffisants, qu'ils n'ont pas d'oration. Je me rappelle très bien qu'à un certain temps, mmh. et il y avait, je dirais, donc une faction de fonctionnaires du ACR mmh. qui s'occupait de l'éducation. Mmh. Il y en a qui s'occupaient de la santé, qui est même comme il y avait ceux qui s'occupaient aussi de la ration. Mmh. Alors, j'ai fait même mes études au Congo. Et on nous donnait des fois des bourses. Il y a des gens qui ont fait même l'université avec l'aide de l'ACR. Donc ils recevaient de l'argent. C'est-à-dire, ils connaissaient très bien que les réfugiés ont droit à l'éducation. Uh-huh. Oui. Et où est-ce que nous étions? Il n'y avait pas des écoles uniquement pour les réfugiés, mais dans les classes même des Congolais, on étudiait ensemble. Mm-hmm. Mais à un certain temps, il y avait des signes qu'on donnait et puis on allait quelque part et recevoir les quelques sous pour peut-être acheter ceci, cela, qui vont vous aider à bien étudier. Mm-hmm. Oui. Là, il n'y avait pas vraiment de problème. Mais ce n'était pas tout le monde. C'était des gens ciblés. C'est-à-dire un enfant qui peut-être échouait, souvent, il était rayé sur la liste. Mmh. Mais c'est là qui étudiait très bien, recevait, mais aussi pas tous. Je ne sais pas de critères qu'ils utilisaient pour donner des bourses à ceci, à cela, mais on étudiait, on recevait des soins mmh. médicaux. Sans problème, sans même payer de sous. Mm-hmm. Mais deux fois, quand la maladie est grave, quand même on demandait une certaine somme, et il y avait des gens qui, quelquefois, mm-hmm. Intervenaient pour sauver cette situation. Mm-hmm. Oui, commissaire Ougeminoise, vous avez sur vous les droits que doivent jouir les réfugiés, mais très récemment... On entend que les Congolais qui sont ici, il y a toujours grogne. Ils disent qu'ils n'ont pas, ils doivent faire des kilomètres pour être soignés. Ceux de Moussaigny en province de Rutana, ils disent qu'ils n'ont pas d'école. Tout à l'heure, vous nous parliez de la situation. Est-ce que vous êtes déjà fait des enquêtes pour savoir comment les Congolais qui sont dans le cadre de Moussaigny en province de Rutana évoluent, vivent aujourd'hui? Les informations qui circulent, ce sont des informations qui sont réceptionnées ici et là. Elles ne sont pas toujours vérifiées et au niveau des sources. Parce que nous avons déjà des centres de transit pour une personne, demanderesse d'asile, qui se trouve encore dans un centre de transit, comme nous en avons trois. Il y a le centre de transit de Makombe, le centre de transit de Guitara, le centre de transit de Chichemer. Donc, toutes ces personnes, généralement, c'est les gens qui sont dans un centre de transit, ils n'ont pas encore le statut de réfugié. Mm-hmm. La loi ne va pas s'appliquer. Parce que pour la loi, les dispositions qui ont été citées par monsieur le professeur ici à côté, mm-hmm. il a parlé de réfugiés. Pour être réfugié, il faut avoir acquis le statut de réfugié. Les autres sont dans un stade transitoire. Ils sont dans la procédure. Mm-hmm. Et ici, dans les centres urbains, ici à Bujumbura, à Gitega, à Rumonge et ailleurs, il y a beaucoup de citoyens congolais qui vivent côte à côte avec mes concitoyens burundais de la même manière. Et c'est là-bas où l'article 67 de la loi que j'ai cité de 2011, protégeant, régissant l'immigration au Burundi, qui dit que le réfugié, c'est-à-dire celui qui a déjà obtenu le statut de réfugié, le réfugié bénéficie pour l'exercice d'une activité professionnelle libérale déterminée, comme le commerce, et l'avocature ou autre chose, il bénéficie d'un traitement de faveur comparable à celui d'un étranger ressortissant du pays ou de la communauté qui a conclu avec le Burundi une convention ou un mémorandum d'entente plus favorable. Mm-hmm. C'est-à-dire que les États organisent ou entretiennent des relations de collaboration et de coopération. Mm-hmm. Alors, pour les gens qui donnent l'information, il faut d'abord s'assurer, est-ce qu'il s'agit d'un réfugié ou il s'agit d'un réfugié légal au sens de la loi, ou alors c'est une personne qui a simplement traversé la frontière, qui se trouve dans une situation précaire, une situation de demande de statut. Encore une fois, il existe à côté de ces personnes des personnes libres de leur mouvement, libres d'établissement, qui viennent ici pour faire leur commerce à titre privé. Ces Congolais ne sont pas réfugiés. Ce sont, comme l'a dit monsieur le professeur dans l'autre débat, ce sont des migrants économiques. Ils ne sont pas régis par la Convention de Vienne. Ils ne sont pas régis par cette Convention. Ils sont régis par d'autres textes. Et donc, ils exercent les droits par ailleurs. Lorsqu'ils s'établissent régulièrement, les gens qui ne sont pas sous le statut de réfugiés, ils sont régis par les lois burundais de la même manière que les Burundais. Sinon, le réfugié enregistré au camp, il y a une école, il y a un centre de santé, ils ont une carte, la loi le stipule. Et nous avons un accompagnateur de taille, c'est l'OHCR, qui est l'organe spécifique de l'ONU qui accorde la protection subsidiaire. Donc, nous n'allons pas dire que les réfugiés n'ont pas le droit à l'éducation. Non. Lorsqu'ils sont au camp, les droits élémentaires, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à l'alimentation, le droit à la vie. Parce qu'il a quitté un régime ou une localité où il était persécuté, où il craignait d'être tué, où il craignait d'être où c'est bien torturé, où c'est bien vandalisé. Maintenant, il est au camp, il est sécurisé et il existe une police qui encadre, il y a aussi donc une organisation suffisante pour assurer les droits fondamentaux de l'individu. Donc, il n'est pas honnête de dire que pour les réfugiés, ces droits-là fondamentaux ne sont pas assurés. Et c'est pourquoi je remets en doute la source. La source. Celui qui donne l'information, généralement, ce sont des Congolais irréguliers. Mosaïque. La radio Isanganiro traite les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Benevolentia. Mosaïque. Je rappelle à ceux qui viennent de nous capter que c'est le moment de suivre l'émission Mosaïque. Nous sommes en train de débattre sur les cas d'arrestation des Congolais qui traverseraient les frontières clandestinement vers le Burundi. Le cas signalé à Chibitoke. Il y a le HCR, le partenaire costaud de tous les États pour entretenir, pour héberger, pour soigner, pour nourrir les réfugiés. Est-ce que, Parfim Mabas, parmi les droits, est-ce qu'il n'arrive pas quelque part que le HCR ne soit pas à mesure de continuer à accueillir des réfugiés, des demandeurs d'asile, et c'est que le gouvernement... Bon, en fait, s'il y a un flux massif considérable, et il y a des efforts conséquents qui doivent être consentis et là où il y a cet afflux massif. Sinon, dire qu'à un certain moment, on va bloquer, là, on viole les droits internationaux. Et ces droits exigent qu'on ne peut jamais refouler ou bloquer la personne qui vient pour chercher la protection. Si on bloque, c'est qu'on dit qu'il faut aller être tué dans ton pays d'origine. Donc, on ne peut jamais bloquer. On laisse venir toutes ces personnes qui cherchent la protection. Et alors, on va chercher... Il y aura solidarité internationale. Mm-hmm. Et les autres pays vont contribuer pour que ces personnes qui viennent pour chercher une protection internationale puissent être mieux protégées dans le pays qui les accueille. Et ce n'est jamais impossible. Si jamais la solidarité internationale, ces personnes seront protégées tant bien que mal, mais quand même, il y aura le minimum de protection dans le pays d'accueil. Sinon, bloquer à la frontière, sous prétexte qu'on n'a plus les capacités d'accueil, là, ça devient catastrophique. On viole les droits internationaux ratifiés par le pays en question. Mmh. Oui. C'est pour cela que jamais il ne faut bloquer, il ne faut renvoyer sous prétexte qu'il y a une capacité d'accueil. Non, c'est déconseillé. Oui. Dominique, c'est ce cas, vous avez été en RDC, vous avez salué la façon dont vous cohabitez avec les Congolais de l'autre côté de la Russie. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce que vous constatez sur le terrain? On entend qu'il y a assez de qui soit Rutana, qui soit Rumonge, qui soit Rugom. On entend qu'il y a toujours grogne des Congolais. Est-ce qu'ils cohabitent bien avec les Burundais qui sont ici? Ah ça. Mais moi, je n'ai pas encore été au camp pour voir comment est-ce qu'ils habitent. Mm-hmm. Vous savez, moi, quand j'étais en RDC, à l'époque, ça s'appelait Zaïre, mm-hmm. nous étions chez nous. Pas dans des camps de réfugiés. Mais des camps ont eu lieu quelque part loin à Baraka. Mm-hmm. Mais c'était donc une colline où on les a donné, ils ont construit des maisons. Mm-hmm. Mais ce n'était pas dans un enclos, c'était là, c'est-à-dire, il faisait des travaux, champêtre, oui, partout où il voulait, le commerce, sans problème. Mm-hmm. Et quelquefois, oui, dernièrement, en 1993, c'est par là où il y a eu un cas de réfugiés quelque part ici à Ouvira, il y a eu un cas, oui. À Sangé. Avant d'arriver à Sangé, il y a un cas de réfugiés. Mm-hmm. La façon dont il vivait, vraiment, c'était déplorable. Mm-hmm. Il y avait à crier. Mm-hmm. J'avais des amis qui étaient dans ce camp. Mais comment est-ce que... D'abord, au point de vue santé. Oui, on les traitait, mais il faut voir. Les latrines. Mm-hmm. C'était des latrines publiques. Et dit, faites vite. J'ai besoin aussi. C'était vraiment déplorable. Il y a des maladies, malgré qu'on les soignait. Mm-hmm. Il y avait des épidémies. Il y en a qui mouraient comme ça. S'ils grognent là à Ouvira, plutôt à Moussassa ou à l'intérieur, les Congolais n'ont pas l'habitude de rester, de vivre dans des enclos. Mm-hmm. Ce sont des gens qui veulent s'épanouir, aller à gauche, à droite, qui font des commerces, qui font des activités de champ. Alors, s'il restait là et demandait seulement tendre la main aux bienfaiteurs pour leur donner de quoi manger, mm-hmm. il y a lieu assez à grogner, mm-hmm. en tout cas. Sinon, quand j'étais là, au Congo, j'étais sur terre comme tant d'autres. Mm-hmm. Mais quelle était la différence? Quand j'arrive à la maison, je parlais donc ma langue maternelle, le Kirundi, et les autres parlaient leur langue. Vraiment, nous étions très bien. Seulement, bien sûr, dépourvus de moyens. Suffisant. Oui, pour survivre. Mm-hmm. Mais nos parents devraient faire tout ce qu'ils doivent faire pour nous. Mm-hmm. S'ils pleurent, en tout cas, il faut être réfugié pour connaître le problème des réfugiés. Mm-hmm. Ces réfugiés que des fois qu'ils disent qu'ils sont des déplacés de l'intérieur. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas rentrer? Il y a quelque chose là. Quand vous parlez de réfugiés, qu'il faut, c'est pas moi, ils ont faim, ils ont fui le pays, ils s'appellent réfugiés. Parce que si par exemple j'habite Kamenge et qu'il y a une situation qui m'oblige de quitter Kamenge et me rendre en Gagara, mm-hmm. je vous informe, je suis réfugié. Parce que je ne suis pas sur mon lit de là où j'habite. Mm-hmm. Là, tu n'es pas déplacé intérieur. Je suis réfugié, même si je suis à l'intérieur. Mm-hmm. il faut changer de ce vocabulaire. Il faut bannir ce vocabulaire de dire de déplacer intérieur. Ce que nous connaissons à l'intérieur, il y a des gens qui vous disent, ils disent que ce sont des réfugiés, que ce sont des déplacés. Mais ils quittent là où ils sont et ils vont cultiver là où ils étaient. Pourquoi ? Si j'étais, c'est l'autorité, ils ne mettraient jamais le pied là. Reste là ou bien tu quittes l'endroit, va là. Ça, c'est une façon de... Il y a des vocabulaires que les gens façonnent pour peut-être aider celui-là et celui-là, mais réfugié, c'est un réfugié. Mais quand vous avez le moyen de quitter là où vous êtes et vous rendre là où vous étiez avant, pourquoi rester donc dans un coin? Non, il faut rentrer, il faut les rapatrier. Donc s'ils pleurent, ces Congolais-là, ils ne peuvent rien faire, mais ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Oui, monsieur le commissaire, les Congolais réclament toujours. Est-ce qu'un réfugié, vous l'avez dit, il a ses droits et ses devoirs. Est-ce que le réfugié doit être satisfait comme un citoyen lambda, quelqu'un qui est chez lui? Oui, mais le réfugié est une personne. En matière de protection des droits de la personne humaine, il n'est pas nécessaire, il n'est pas exigé de considérer qu'il est grand, qu'il est de courte taille, qu'il est albinos, qu'il est infirme, qu'il est atteint d'une déficience, qu'il est de bonne santé. Donc on protège la personne et la personne uniquement. Mm-hmm. Et les droits que l'on protège, d'abord il y a les droits indérogeables, le droit à la vie, le droit contre la torture, le professeur l'a déjà signalé, le droit contre les traitements inhumains. Et si les réfugiés, là on commence par celui qui a le statut. Mais pour les autres, alors, nous avons déjà précisé qu'il s'agit d'un cas, d'un groupe, où on va vérifier si c'est leur demande ou leur établissement au sol burundais est régulier. Alors, on va chercher les irrégularités. Et les irrégularités, ça, c'est un travail de routine, un travail régalien qui est fait par chaque pays indépendant, souverain, qui contrôle que les arrivants sont... ou respectent la loi. Ou alors, lorsqu'ils sont des demandeurs d'asile de bonne foi, en bonne et due forme, ceux-là, on leur accorde la protection. Pour les autres, on va faire un traitement adéquat, approprié à leurs conditions. Ce n'est pas, la condition n'est pas généralisée. C'est toujours singulière par rapport aux besoins spécifiques de la personne. Donc, s'il y a, par exemple, une personne armée ou un combattant, et la loi l'a déjà précisé, on doit, les autorités ou les personnes compétentes doivent séparer les personnes armées de celles qui ne sont pas armées et leur assurer la protection correspondante. Voilà. Oui, très récemment, quand ils sont arrivés, le ministre de l'Intérieur a promis que ces Congolais vont être bien entretenus, que ces Congolais vont recevoir des aides suffisantes. Que devrait être le rôle du Burundi en tant que voisin, mais également allié de la RDC? D'abord, je déplore le fait que pour nos pays, il n'existe pas de coopération, de mécanisme d'entraide judiciaire, de mécanisme de coopération entre un document, un instrument juridique qui est signé et qui prévoit de tels cas. Parce que nous sommes dans un monde dynamique où il arrive des situations qui sont des fois incontrôlables par les États. Et lorsqu'il est déjà prévu un traitement qui a été pensé en avant, il est très facile de trouver des solutions. Quant au ministre qui s'est exprimé et qui a promis qu'on va soutenir les demandeurs d'asile ou les réfugiés, je pense que ça se trouve dans ses compétences. Généralement, comme le professeur l'a déjà dit, il s'agit de la mobilisation des fonds. Parce qu'une personne qui demande asile et qui, après vérification, on trouve qu'il a fui, les raisons sont sérieuses, qu'il y a crainte de persécution, crainte qu'il soit tué ou persécuté, Je pense que le secourir, lui donner à manger, lui donner un logement, lui donner, donner accès aux enfants qui vont à l'école, donner accorder le droit aux soins, je pense que c'est tout à fait humain. Et c'est ça le rôle de la CNDH qui doit nécessairement, comme je l'ai déjà dit, la semaine prochaine, ce n'est pas tard, on va se rendre à Chibitoke et vérifier ce cas qui se présente, le cas de la venue de cette centaine de jeunes Congolais qui sont arrivés et que certaines personnes soient chassées ou... refouler irrégulièrement. On va voir, on va bien sûr faire le monitoring de l'état des lieux de ce cas d'espèce pour voir s'il y a eu respect aux violations de la loi et nous allons donner rapport. Panfil Ntavansi, on voit que le Burundi est allié en RDC, le Burundi est de le gouvernement à la sécurisation à l'est de la RDC suite à l'insécurité qui a été causée par le M23. En ce qui est de la gestion des réfugiés de ces deux pays, nous entendons qu'il y a des Burundais qui sont réfugiés en RDC alors qu'il y a de l'insécurité. Nous avons aussi les Congolais qui fuient vers le Burundi. Comment est-ce que deux États doivent se comporter en cette matière? D'abord, avant de répondre à la question, je voulais apporter un peu d'éclairage. En fait, en quittant son pays d'origine pour aller chercher la protection dans un autre pays, dans le cœur, on sait qu'on est déjà réfugié. C'est pour cela qu'au niveau terminologique, dans le pays d'accueil, on n'octroie pas le statut, on reconnaît. C'est la reconnaissance du statut. Donc, du statut qu'on avait même en quittant son pays d'origine. C'est pour cela que même la personne qui est sur le chemin de la route, il dit, moi, je suis réfugié. Il reviendra aux autorités du pays d'accueil de reconnaître ce statut. Donc, tu exposeras ton récit et les autorités du pays d'accueil, donc les équipes techniques, vont dire, oui, finalement, celui-là rempli les conditions. Donc, il est réfugié. Et c'est plus ou moins clair. Sinon, tant qu'on n'a pas franchi les frontières de son pays d'origine, là, c'est déplorable, mais on n'est pas réfugié. Il est vrai qu'on vit dans les mêmes conditions que les réfugiés, mais tant qu'on n'a pas franchi les frontières de son pays d'origine, on est déplacé interne, pas réfugié. Oui, on vit dans les mêmes conditions que les réfugiés, on n'est pas chez soi, on n'a rien, mais on n'est pas réfugié parce qu'on n'a pas franchi les frontières de son pays d'origine. Les textes internationaux sont là, ils ont déjà tranché sur cette question. Dominique ne veut pas... Oui, non, du coup, ne sait comment ça malheureusement. Sinon, entre le Burundi et la RDC, et par rapport à la gestion des réfugiés, et les choses que ces États peuvent faire, c'est d'abord bien encadrer les équipes techniques qui accueillent ces réfugiés. Ici au Burundi, nous avons l'UNPRA avec les instances, notamment la Commission consultative des étrangers des réfugiés, première instance en matière d'asile, il y a aussi le comité de recours. Il faut qu'il y ait des instances qui sont solides, qui accueillent les réfugiés et qui protègent bien les réfugiés au Burundi, au Congo. Si ces instances sont bien fonctionnelles, là, c'est une partie très importante de la protection des réfugiés. Il faut qu'il y ait des instances qui travaillent très bien, qui accueillent très bien les réfugiés et qui protègent très bien les réfugiés. Là, c'est le premier volet. Sinon, l'autre volet, c'est garantir la sécurité dans nos deux pays. S'il y a sécurité dans nos deux pays, il n'y aura plus réfugiés. C'est bon. C'est, des fois, les Congolais qui viennent au Burundi fuient des groupes rebelles qui pullulent à l'est de la RDC. Et parfois, les Burundais qui quittent pour aller demander la protection là-bas au Congo, il y a persécution à leur égard. Là, alors, s'il y a sécurité de part et d'autre, là, la question des réfugiés sera résolue. Il n'y aura plus de réfugiés dans nos deux pays. Oui. Oui, on peut garder espoir aux conventions, aux accords qui ont été signés à Washington, et les pourparlers qui se déroulent à Doha. Peut-être, si jamais on parvient à éradiquer tous les mouvements rebelles qui sont à l'est du Congo, là, il y aurait la paix au Congo, et les Congolais ne viendront plus demander asile. Et au Burundi, on n'aura plus de problèmes pour gérer les réfugiés. Oui, c'est ce cas, Dominique, vous avez vécu en RDC. Nous avons des relations bilatérales entre le Burundi et la RDC, ainsi qu'entre les Burundais et les Congolais. Quelles mesures peuvent être prises pour garantir la sécurité des Congolais qui migrent vers le Burundi et les Burundais qui migrent vers la RDC? Tu sais, il y a une chose, il y a un proverbe qui dit que qui veut la paix prépare la guerre. C'est la, c'est pas question de chanter, de quoi. Ils ont signé, c'est pas moi, des accords à Washington. Tout il y a, cela, il y a le pourparlers entre le M23 et le gouvernement congolais à Doha. Il faut d'abord entrer dans la racine. D'où est venu ce mouvement du M23? Ça provient de quelque part. C'est-à-dire qu'ils doivent continuer à se parler. C'est comme ça que je parle, moi. C'est ce que je pense. Mais il y a de l'espoir. Mais l'espoir provenant d'où? Moi, je vais suivre les réalisations. Et c'est pour quand? Ils ont signé le 27. Est-ce que depuis le 27, aujourd'hui, il y a la paix au Congo? Vous pensez que les simples accords vont amener la paix au Congo? Non. Attendons voir. Comme le disent les Anglais, wait and see. On ne sait pas. Merci beaucoup. Peut-être. Un dernier mot avec le commissaire Gérard Rugueminoise. Vous êtes vice-président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH. Est-ce qu'on peut garder espoir que d'ici quelques jours, avec les accords de Washington et les pourparlers de Doha, il n'y aura plus de réfugiés congolais au Burundi et de réfugiés burundais en RDC? Merci de me poser la question, mais je ne veux pas m'exprimer sur les accords de Doha, encore moins sur les accords de Washington. C'est parce que le Burundi n'est pas partie prenante. Mais pour la CNDH, relativement à la question qui nous occupe, notamment la protection des personnes, la protection des droits des personnes, nous, le plus tôt, c'est que la CNDH va en collaboration, bien sûr, avec les organes qui sont dans le groupe sectoriel de protection, en collaboration avec le ministère de la Solidarité nationale qui est en charge la Direction générale de protection des droits de l'homme, en collaboration bien sûr avec le ministère de l'Intérieur qui a la tutelle et l'immigration, qui gère l'immigration au Burundi, les mouvements des gens qui entrent et qui sortent au Burundi, en collaboration avec les organes onusiens, plus particulièrement avec le OHCR. Nous projetons faire dans la semaine qui suit, qui arrive, qui commence le 14, le monitoring de l'état des lieux, de la protection des personnes, notamment relativement aux demandeurs d'asile, parce que pour les gens, les réfugiés qui sont au camp, cela ne pose pas de problème. Les problèmes se trouvent dans cette masse de Congolais qui se trouve dans les centres urbains, et plus particulièrement à Rugombo, Chibitoke, qui ne sont pas soit enregistrés, qui ne sont pas encore bien identifiés, et dont leur protection dépend de ce travail administratif de contrôle et d'identification. Et nous refaisons, comme nous faisons pour les autres groupes, notamment les rapatriés, les déplacés internes, les apatrides et les autres personnes vivant au Burundi sans qu'ils soient burundais. Donc, nous pensons collaborer avec ces organes et nous pensons qu'une fois revenus de cette mission, parce que nous avons un chef d'antenne ouest qui s'appelle Jean-Paul Kilimoutoumier. Nous allons lui demander de préparer cette mission, mobiliser les moyens, les véhicules, le carburant, chercher le carburant nécessaire pour aller sur le terrain et vérifier l'état des lieux et s'enquérir sur la situation qui prévaut relativement à cet état de fait de ces jeunes Congolais qui ont fui, dont les uns ont été refoulés, d'autres sont encore retenus dans les cachots de Chibitoke. Voilà, chers auditeurs, ainsi se referme cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci aux invités, à savoir Gérard Rugueminoise, vice-président de la CNDH. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Évariste. Merci à mes amis qui ont participé à l'animation de cette émission. Merci aussi aux auditeurs qui nous ont suivis dans cette émission qui était relative à la protection des personnes et surtout des demandeurs d'asile et des réfugiés. Merci beaucoup. Nous étions aussi avec professeur, docteur, major Pamphile Mabansi, expert en droit de réfugiés. Merci à vous aussi d'être encore venu dans Mosaïque. Merci beaucoup, monsieur Evariste. Et si jamais demain ou après-demain, vous aurez encore besoin d'éclairage sur les textes tant nationaux qu'internationaux en rapport avec les réfugiés, je serai là pour vous. C'est très important. Nous étions aussi avec Dominique Zeseka, Burundi, qui avait trouvé asile dans les années passées en RDC. Merci à vous aussi, monsieur, d'être venu dans Mosaïque. Je vous remercie et je remercie aussi mes amis qui étaient ensemble avec nous. Et je dis aussi merci aux gens qui nous ont suivis. Merci à l'équipe technique, à Serafina Kizimana et Innocent Bibonimana. Médard Nyonguru était à la réalisation, à l'animation. Vous étiez avec Evariste Ndikomananga. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos ondes. À la prochaine. Mosaïque. La radio Isanganiro traite les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Benevolentia. Mosaïque.